Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Cercle Aquatique Magique. En votre compagnie, François Gécouillard. Cette émission est dédiée à la bonne musique. J'ai failli ne pas pouvoir venir ce soir à cause de la grève étudiante. Et oui, les étudiants et étudiantes dansaient sur René Lévesque sous la pluie. Alors, mais c'est bon signe, c'est bon signe. Une manifestation qui dérange pas, c'est pas une bonne manifestation. Il faut que ça dérange, sinon ça sert à quoi? Et on commence toujours avec un petit bloc consacré justement à nos chers étudiants et étudiantes en grève. La pièce s'intitule « Loi spéciale ». Qui s'énerve quand le monde fait sur des casseroles? Qui c'est qui éteint son barbecue avec un peu de pétrole? Qui c'est qui offre pas d'amis, sont pas l'Assemblée nationale? Qui c'est qui fait tellement d'agoraphobie que plus que 50, c'est illégal? C'est loi spéciale, c'est loi spéciale. C'est loi spéciale. Et pas rejet, et juste spécial. Qui c'est qui préserve notre précieuse paix sociale? Qui c'est qui défend l'accès aux études collégiales? Qui c'est qui a des valeurs en or, mais si t'es pas d'accord? Qui c'est qui casse à coups d'amende? Qui c'est qui tasse à coups dans le ventre? C'est loi spéciale. C'est loi spéciale. C'est loi spéciale. Elle est pas violente, elle est juste spéciale. Oui. Mais loi spéciale. Chop, chop, cha-da-dop. On s'en calisse. Chop, chop, cha-da-dop. Oui, loi spéciale. Chop, chop, cha-da-dop. On s'en calisse. Chop, chop, cha-da-dop. Ce qu'on voulait faire en fin de semaine, c'était de regrouper tout le monde autour du conflit d'United Aircraft pour qu'en sortant d'ici, on se dise, ça appartient plus à ces gars-là. Le conflit d'United Aircraft, il appartient à chacun de nous autres. Puis nous autres, là, on devrait faire comme eux autres en arrière, puis on devrait être tous debout. Debout, tout le monde, avec les gars d'United Aircraft. Madame Beauchamp, je suis un homme de 45 ans. Pas éduqué, j'ai jamais eu l'argent. Je suis le père d'une jeune fille de 22 ans qui devait finir son bac à la fin du printemps. Malheureusement, je suis pas en train d'arriver. Elle est dans la rue, en train de manifester. Moi, je l'encourage à défendre ses idées. C'est juste comme ça qu'elle pourra avancer. Madame Beauchamp, je sais que vous devez être pas mal stressée. Moi, je voudrais pas être dans vos souliers. Madame Beauchamp, tout le monde a le droit de se tromper et de faire des choses qu'on pourrait regretter. Mais Madame Beauchamp, vous savez qu'il est encore temps. Madame Beauchamp, vous excusez et de tout recommencer. Madame Beauchamp, on sera patient, on vous laissera respirer. Madame Beauchamp, vous êtes pas méchante, juste un peu aveuglée. Madame Beauchamp, ça vous prendrait du monde à qui parler pour vous connecter sur la réalité. Madame Beauchamp, les jeunes sont pas méchants. Rencontrez-les, ils vont juste vous aider. Madame Beauchamp, respirez par le nez. Madame Beauchamp, ouvrez la porte et laissez-les rentrer. Madame Beauchamp, ouvrez votre cœur, on sait que vous n'avez un. Madame Beauchamp, on aimerait ça que vous changiez d'idée. Le sujet de la causerie de ce soir, c'est bien entendu la grève que les syndicats parlent de déclencher à la compagnie d'aluminium. Il faut absolument arrêter ça. La grève est une mauvaise chose. Tout le monde le sait et toute la région va en souffrir. Québec aujourd'hui est encore en crise, c'est tout le temps bloqué dans les rues hosties. À toutes les soirs, ça reprend de plus belle, pis ça, c'est la faute à Gabriel. Si le gouvernement nous prend pour des épais, 50 cents par jour, 7 ans au lieu de 5. Si une gang de squeegee ne respecte pas la trêve, c'est sûrement de la faute à Gabriel. Hi-haw! Gabriel est un homme influent et puissant, même s'il a pas de poils et à peine 21 ans. S'il y a la faim dans le monde et partout des criminels, c'est sûr, c'est de la faute à Gabriel. Oh yeah. Si le Canada s'est retiré de Kyoto, si on donne nos richesses, si on pollue les eaux, si en Abitibi y a plus de forêt vue du ciel, c'est sûr, c'est la faute à Gabriel. S'il faut hypothéquer sa maison pour gazer, si les compagnies de crédit nous gardent bien endettés, si ma blonde a suspu ou qu'elle a mal à la tête, c'est sûr, c'est la faute à Gabriel. Oh yeah! Attention à Gabriel, c'est le nouveau Ben Laden. Il contrôle la Banque mondiale, c'est le bras droit du pape. Si les scientifiques prédisent la mort de la planète, c'est sûrement de la faute à Gabriel. Si les ponts sont en ruine, s'il augmente le taux de suicide, s'il y a des femmes battues et si la vitesse tue, si Charest le borné radote de plus belle, c'est sûr, c'est la faute à Gabriel. Gabriel est un homme influent et puissant, même s'il n'y a pas de poils, à peine 21 ans. Si aux élections on détrône Charest, ce sera probablement grâce à Gabriel. Merci. Comme toujours, la qualité de l'enregistrement était impeccable. C'était le petit bloc grève. On vient d'entendre Luc Sasseville qui faisait « C'est la faute à Gabriel ». C'est un peu comme « C'est la faute à El Niño » de ce cher Plume la Traverse, mais version 2012. Qui est-ce cet individu, Luc Sasseville, remporté le prix du public aux Francs couvertes édition 2003 et le prix d'artiste de la relève lors des grands prix du Conseil de la culture des Laurentides? Ça, qu'est-ce que ça veut dire, les enfants? Ça veut dire qu'il doit être encore aussi pauvre qu'il était à l'époque. Et oui, le dur métier de la chanson au Québec. Sinon, on a entendu Urbain Desbois faire Madame Beauchamp. Bon, là, maintenant, c'est Madame Courchaine. Il paraît que Madame Beauchamp va rejoindre sa sœur en Afrique. Alors, on lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle carrière. Beauchamp, qui a déjà été directrice générale de CISM. Alors, ça ne devait pas être une si mauvaise personne que ça, en quelque part. Et Urbain Desbois qui raconte un peu une chanson très personnelle. Il raconte là, qu'il n'a pas eu d'éducation et que sa fille est en train de manifester. Et je crois que c'est entièrement vrai ce qu'il dit dans cette chanson-là. C'est « Perça de vérité ». Et la chanson de la semaine, c'est probablement celle de le box vocal avec la chanson « Loi spéciale » avec un splendide jeu de mots. « Loi » L'OIE, le sympathique canard. Et box vocal, allez voir ça sur Facebook. Il y a une page et il met des chansons. Et c'est bon enfant, c'est joyeux, c'est fantastique, c'est merveilleux. « Et vous êtes toujours au Cirque Aquatique Magique, à l'antenne de CKRL, voire de Radio Grenouille. Allons maintenant écouter un bloc consacré qui va peut-être vous inspirer là, si vous êtes étudiant ou étudiante, ou si vous êtes impliqué dans la grève, peut-être que vous sortez de temps en temps avec vos casseroles. Les minis, c'est eux qui ont la façon, les minis, pour attraper du doré, de la truite, de mouchetée, les minis, et ça ne coûte pas cher, les minis, pour faire des bonnes affaires, les minis, pour devenir millionnaire, à vendre les fruits de la mer. Il n'y a rien comme la nature, pour se faire des confitures, de la tarte à la marlouche. En tabarnouche. J'aime les minis, car pour pogner des baleines, les minis, ils ont un très bon système, les minis, car ils n'ont rien qu'à siffler. Et on les voit arriver, les minis, même pour pogner des sangsues, les minis, ils ont toujours le dessus, les minis, pour pogner des morues ou des requins sur le cul. Il n'y a rien comme la nature pour se contempler l'azur juste en dessous de la ceinture et en mesure. Baissent leur combinaison. Na na na na les minis. Na na na na na na les minis. En sept carrés les minis. Se laissent aller. Se laissent aller. Nos bien-aimés. Sont en train de déconfessionnaliser le système d'éducation dans notre province. De plus en plus, on sort le bon Dieu des écoles dans notre province de Québec pour entrer des petits professeurs barbus, comme le disait tantôt mon bon ami Drolet, des gars qui sont des athées dans la plupart des cas. C'est la crochade de plomb. J'ai beau me dire que demain est un autre jour, mais au fond tout est pourri, malsain. La voie est sans issue, c'est fini, j'y crois plus. Fais du bien à des vilains, ils tireront dans la main. On se marche sur la gueule pour s'arracher des miettes. La compétition, je te le dis, fait nous des bêtes. L'homme est un homme pour l'homme, t'es pas d'accord, je te les gomme. Aujourd'hui il pleut, demain il fera beau. Patiente un petit peu, les jours meilleurs sont pour bientôt. C'est pour ton gens pas bien difficiles. Je suis pas trop un imbécile. Pas besoin d'aide pour Dieu pour voir si on continue à supporter un tel foutoir. À force marcher sur la tête, on aura largement de quoi faire crever la planète. Servitude volontaire sans jamais en avoir l'air mène à l'autodestruction. Les patrons au gouvernement ne présentent que leur fion. Liberté pour l'argent, pas pour les gens. La fin du monde est de droite, putain. Aujourd'hui il pleut, l'avenir, j'aimerais pouvoir en rire. On se réveillera de ce cauchemar, le sang coulera dans les rues. Ça sera déjà trop tard, il nous restera même plus de larmes pour pleurer, ils les auront privatisés. Quand même la pauvreté devient une marchandise, quand l'Élysée pourrait mieux se lever de la crise, quand le petit bonheur des uns fait le gros malheur des autres, quand on croit plus en rien, les salauds changent en apôtres. Je me dis que les chefs n'existent que par la peur. Les temps sont durs pour les rêveurs. Aujourd'hui il pleut. Faut toujours se battre alors. Utopie aujourd'hui, réalité demain. Si on lutte pas sous la pluie, si on détruit pas les moulins, faut pas se voiler la face, personne ne fera notre place. Aujourd'hui il pleut, oui mais demain il fera beau. Il fera beau, patiente un petit peu. Les jours meilleurs sont pour bientôt. Les jours meilleurs sont pour bientôt. Les jours meilleurs sont pour bientôt. Merci. On sort le bon Dieu des écoles, puis on entre le sexe. J'avais entendu parler de ça, c'est même dans le journal. Il paraît qu'ils font des parties maintenant, tard le soir, des jeunes gens et des jeunes filles, dans la même piscine, et puis il paraît qu'ils ne sont pas habillés avec des côtes de poêle, mais ils sont plutôt à poêle. Hein? On sort le bon Dieu des écoles, on entre le sexe. On sort le bon Dieu des écoles, on entre la drogue. Et ça résulte que dans certaines institutions de notre province de Québec, il y a eu des suicides dus à la drogue. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, schnappant, qu'est-ce que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Maintenant, il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit, et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qui est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, schnappant, ces messieurs sur le rivage, sans bredouille et vert de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant, rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de ceux qui auront entendu entre les lignes auront compris qu'il était question encore une fois de la grève étudiante dans ce bloc. La pièce La chasse à l'enfant a été interprétée par Marianne Oswald. Donc vous avez compris, hein, les honnêtes gens font la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Et c'est un poème de Jacques Prévert, grand, grand poète libertaire. Et on a aussi entendu David Vincent et ses mutants qui interprétaient « Aujourd'hui il pleut ». C'est une chanson qui dit « Bon, gardons espoir, un jour il fera beau ». David Vincent, album introuvable au Québec, ex-chanteur des Amis de ta femme, un groupe de punk, rock, acoustique, libertaire absolument extraordinaire. Et David Vincent est aussi animateur de Radio Libre en France. Il y a une excellente émission de musique qui s'appelle Émission Censurée. Allez voir ça sur Internet. Tapez David Vincent et ses mutants de sur Internet. Et puis, vous allez voir l'émission Censurée. Toutes les émissions, on peut les écouter. Il y a encore une émission depuis... on peut écouter les émissions à partir de 2008, si ça vous tente. Et c'est uniquement de la chanson française. C'est extrêmement intéressant. Et on a entendu aussi Marie-Marine a interprété « Les Ménés ». Je pense que c'était une chanson sur le capitalisme. Mais encore une fois, faut lire entre les lignes. Faut essayer de décortiquer. « Fille de Raymond Lévesque ». Arrangement de Steve Normandin. Collaboration dans son album qui s'appelle comment déjà son album? « Héritage humain ». Collaboration avec Loco Locas, Yann Perrault et, bien sûr, le papa, Raymond Lévesque, qui écrit plein de ses chansons. Donc, ça donne quelque chose de quand même très intéressant. Marie-Marine. Je suis tombé cette semaine sur un fantastique album de Risset Barrier que je connaissais pas, il y a plein de pièces là-dessus que j'ai découvert. Alors, allons écouter ça. Tiens, un bloc consacré à ce chanteur extraordinaire, Risset Barrier. Oh, un prénom qu'on n'entend jamais. Il y a peut-être une bonne raison pour ça. Oh là là! Nicolas est invité au château de la Tour Penchée, sa petite valise à la main. Il arrive devant le gardien, mais juste au moment de sonner, comme il sent dans ses petits souliers, de sa poche il tire un gros livre, c'est le manuel du savoir-vivre. Répétons, un jeune homme en société ne doit pas se précipiter au coup de la marquise en criant « J'ai faim, ou donc quel pâté de lapin ?» ne partirait ses souliers en réclamant un bain de pied, ni pincer la bonne en lui expliquant que ça fait circuler le sang. Quand la maîtresse de maison vous fait entrer dans le salon, les mains des dames on doit baiser, sans les tordre ni les mouiller, et ne pas dire au vicaire, en lui fermant son bréviaire, lisez donc plutôt dans la série noire, y a de la strychnine dans le ciboire. La cloche vient de sonner, à table pour le souper, les robes du soir, les faux cols, prennent place devant les bristoles. Quand le valet gant et le blanc apporte la soupière d'argent, Nicolas pense avec émoi, ne mettons pas les pieds dans le plat, répétons. Un jeune homme en société, à table doit éviter de se mettre sur la tête la cloche à fromage pour amuser l'entourage. Ne pas dire à sa voisine en se léchant les babines, madame, échangeons, prenez mon pilon, moi je préfère le croupion. Ne frappez pas à coups de cuillère le dos charnu de la douairière en lui disant, je ne croyais pas que les moustiques aimaient les corps gras, et ne versez pas de pluie glaciale sur la chaise du général. En vous esclaffant, il faisait bien plus chaud à la bataille de Waterloo. Comme la fille du marquis est un excellent parti, Nicolas l'emmène promener à l'écart des invités, assis à l'ombre d'un platane, avant de lui déclarer sa flamme. Il repense à son manuel, le chapitre des pucelles. Répétons. Un jeune homme en société, sur le point de se déclarer, doit garder ses gants afin de prouver la pureté de ses sentiments. Si la belle grimpe à l'échelle pour cueillir des mirabelles, ne lui faites pas sur sa jambe ronde la petite bête qui monte, ne dites pas vivement qu'on se marie, le mariage aux filles donne de l'esprit. N'ajoutez pas, si elle consent, la sauce fera passer le merlan. Et le soir de votre mariage, sachez lire entre les pages, nous ne pouvons pas, c'est trop délicat, vous donner le mode d'emploi. Mais en toutes circonstances, le respect des convenances apporte toujours dans tous les foyers le bonheur et la santé. Le 151e Pokémon s'appelle Mew, M-E-W, et correspond au si célèbre 666, qui est le chiffre de la bête, chiffre donc cité dans l'Apocalypse. La bête, c'est Satan, le démon, le diable, Lucifer, on l'appelle comme on veut. Les batting, les biotesses, nous sommes les bons, les beautés de la plage. Batting de tesse, les batting, les biotesses, nous frétillons sur les cols, les coquillages. Nos bonnets de bains à fanfreluche, les spectateurs sont la coqueluche. Batting de tesse, les batting, les biotesses, le maillot c'est notre oriflamme. Batting de tesse, les batting, les biotesses, c'est le maillot qui fait la salame. Nous sommes toujours près de l'eau, mais ce n'est pas pour nous baigner, c'est parce qu'étant en maillot, les hommes peuvent mieux nous admirer. Batting de thèse, les batting, les deux thèses, nous sommes de vrais nanas, de vrais naïades. Batting de thèse, les batting, les deux thèses, mais surtout ne nous parlez pas de baignade. Rien qu'à l'idée de faire trempette, nous avons la chair de poulette. Batting de thèse, les batting, les deux thèses, nous avons le chic et le charme. Batting de thèse, les batting, les deux thèses, c'est le maillot qui fait la femme. Parfois un baigneur tout mouillé, tout près de nous vient faire le beau, toutes nous nous mettons à crier, et vite on le rejette à l'eau. Batting de thèse, les batting, les deux thèses, le triomphe de la cinématographie. Batting de thèse, les batting, les deux thèses, c'est notre ananas, c'est notre anatomie. Notre mère Ève qui avait la ligne, fut fureur avec sa feuille de vigne. Batting de thèse, les batting, les deux thèses, suivez donc cette mode, mesdames. Batting de thèse, les batting, les deux thèses, c'est le maillot qui fait la femme. Alors, qui donne ses pouvoirs? Eh bien sûr, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui propose aux jeunes de devenir un jour le maître des Pokémon. Aïe! Oui, oui! Oh non, pas celle-là! Oh non, mademoiselle, pas celle-là, une autre! Aïe! Oh, oui, oui! Aïe! il ne trouve pas chaussures à son pied. Il ne trouve pas chaussures à son pied. Nous lui avons tout essayé. Tous nos modèles y ont passé. On ne trouve pas chaussures à votre pied. Vraiment, monsieur, nous sommes navrés. On aimerait tant vous soulager. Mesdemoiselles, vendez-moi s'il vous plaît une paire de savates. Plus de souliers, j'ai les extrémités trop délicates. Tout gonflé, meurtrisé, livide. Mes pauvres pieds endoloris subissent les attaques perfides des mauvais œils de perdrix. Je les chouchoute, je les dorlote avec des pommades et des bouillottes. Mes durions sont sans pitié, je ne trouve pas chaussures à mon pied. Il ne trouve pas chaussures à son pied. Il ne trouve pas chaussures à son pied. Comme planche de salut, y'a pas doute qu'il lui possède sans doute. Ah, quel bonheur, je ne sens plus mes douleurs, c'est comme si j'avais des ailes. Je vais pouvoir, grâce à vous, mes sauveurs, faire la cour aux demoiselles. Quand je leur parlais de mes pieds, elles disaient wow, ils faisaient demi-tour. Mais grâce à votre nouveau soulier, je vais enfin connaître l'amour. Je vois le mariage au bout de la route, le célibat vaincu par le snowboot. Mesdemoiselles, je suis sauvé, j'ai trouvé chaussures à mon pied. J'ai enfin trouvé chaussures à mon pied. Permettez-moi de vous inviter. Ce soir, je vous emmène danser car j'ai trouvé chaussures à mon pied. Il a trouvé chaussures à son pied. Il n'a plus l'air d'avoir la goutte qu'il est pour notre cavalier. Oh, s'il est chic en snowboot. Ara, ra, ra, a rock and roll. Risset Barrien, Risset, auteur, compositeur, interprète, fantaisiste. On a entendu la pièce Chaussures à mon pied, Batting Beauties, que lui dit évidemment en bon français Batting Beauties, et Le Savoir-Vivre. Et vous appréciez ces chansons-là, hein? Le Savoir-Vivre. Risset récitait un chapelet de conseils bidons pour l'étiquette et la bienséance. Évidemment, on se doute qu'il tourne en dérision ce genre de choses. Risset Barrier, qui se destinait à l'origine pour devenir prof d'éducation physique en 1952, mais il y a eu la piqûre de la chanson en écoutant Félix Leclerc, Le Train du Nord. Le Train du Nord! Woo-hoo! Et en 55, il a fait de la reconnaissance de Bernard Leloup. Et si vous achetez un album de Risset Barrier, vous allez remarquer que chacune de ses pièces sont co-signées avec M. Leloup. Alors, une collaboration très, très importante entre les deux hommes. Collaborateur des Frères Jacques, Risset faisait aussi la voix de Saturnin. Il a été nommé officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2005. Mais il est décédé l'année dernière, si je ne m'abuse. Ça fait pas très longtemps. Et oui, c'était Risset Barrier. Toujours au Cirque Aquatique Magique, à l'antenne de CKRL 89.1, voire de Radio Grenouille, Marseille, Down in the Place, Yo-Yo. On va maintenant écouter un petit bloc en l'honneur de Jésus, pourquoi pas. On commence avec une pièce de l'Action chrétienne. Nous, on veut vivre bien. Du rap chrétien. Oh là là. Faites-nous de l'espace, on va prendre notre place. Vous allez être étonnés, comme on est des milliers. On va redonner vie à ce monde endormi. Viens, viens, viens, nous on veut vivre bien. Viens, viens, viens, avec tous nos copains. Attention, attention, nous filles et garçons, avec tout plein d'idées folles. vole, on fait bouger nos écoles, dans nos rues, dans nos quartiers, grâce à nous tout est changé. Viens, viens, viens, nous on veut vivre bien. Viens, viens, viens, avec tous nos copains. Attention, attention, nous sommes des millions à vouloir sur la terre vivre comme des frères. Même si on est des enfants, on sait le dire aux grands. Viens, viens, viens, nous on veut vivre bien. Viens, viens, viens, avec tous nos copains. Attention, attention, partout nous agissons pour que la vie soit plus facile avec ceux qui sont fragiles, ceux qui ne peuvent pas marcher, ni voir, ni écouter. Viens, viens, viens, nous on veut vivre bien. Viens, viens, viens, avec tous nos copains. Solution. Jésus dit à ses apôtres, aimez-vous les uns les autres. On apprend à partager, à s'accueillir, à se parler. Viens, viens, viens, nous on veut vivre bien. Viens, viens, viens, avec tous nos copains. Attention, attention, nous filles et garçons, nous jouons notre rôle, nous prenons la parole. Triolo, Fripounet, Berlin, on peut foncer. Bien, bien, bien, nous on veut vivre bien. Bien, bien, bien, avec tous nos copains. Bien, bien, bien, nous on veut vivre bien. Bien, bien, bien, avec tous nos copains. Bien, bien, bien, nous on veut vivre bien. Bien, bien, bien, avec tous nos copains. Bien, bien, bien, nous on veut vivre bien. Bien, bien, bien, avec tous nos copains. We are ready. We have safety rules that car drivers and people who are walking must obey. Now, we must be ready for a new danger, the atomic bomb. Salaire de misère, heures supplémentaires, tu deviens une machine. Dans ton boulot d'usine, page, et dans ton coin tu rages. Alors pourquoi tu vis si tu ne réagis? Tu ne veux plus ça, camarade. L'argent pour dominer, l'argent pour épater. Tu veux plutôt ça, camarade. L'argent pour partager, l'argent pour l'amitié. Sais-tu que d'autres luttent pour ne pas être des brutes? La terre est aux humains, rien ne nous appartient. Ami, tu es des nôtres, combat avec les autres pour que les biens soient partagés. Tu ne veux plus ça, camarade. L'argent pour dominer, l'argent pour épater. Tu veux ça, camarade. L'argent pour partager, pour l'amitié. Tous les plus beaux sont aimés, c'est un monde nouveau. Peux-tu faire vaincu, trouver soulu un fait. Tu veux plutôt ça, camarade. L'argent, l'argent, tu veux plutôt ça, camarade. L'argent pour partager, pour la vie. If there is a warning, you will hear it before the bomb explodes. But sometimes, and this is very, very important, sometimes the bomb might explode without any warning. On verrouillait la porte, changer l'usine en prison, pour que toujours il en sorte des records de production. Qu'importe ton sang, ta peine, qu'importe tes nerfs à bout, au bout de l'ignoble chaîne, l'exploiteur compte ses sous. Cadence, violence, l'homme est courbé sous vos coups, mais le vent de la révolte sera bien plus fort que vous. Mais le vent de la révolte sera bien plus fort que vous. Tu casserais la pendule qui t'espionne à chaque instant. Ses aiguilles te bousculent et te poussent au rendement. En robot et automate, on voudrait te transformer. Mais quand ta colère éclate, naît déjà la liberté. Cadence, violence, l'homme est courbé sous vos coups, mais le vent de la révolte sera bien plus fort que vous. Mais le vent de la révolte sera bien plus fort que vous. Adieu à ta mandoline, si tous tes doigts sont coupés, comment gravir la colline si tes pieds sont arrachés? Comment aimer l'existence si ton corps est flagellé? Comment bâtir d'espérance si ton cœur est abîmé? Cadence, violence, l'homme est courbé sous vos coups, mais le vent de la révolte sera bien plus fort que vous. Mais le vent de la révolte sera bien plus fort que vous. Ta santé n'est pas à vendre, défends-toi des usuriers. Ensemble, il faut entreprendre un combat organisé. Fini les bêtes de somme, fini les boulets aux pieds. Nous voulons être agissants et respectés. Cadence, violence, l'homme est courbé sous vos coups, mais le vent de la révolte sera bien plus fort que vous. Mais le vent de la révolte sera bien plus fort que vous. Mais le vent de la révolte sera bien plus fort que vous. Un petit bloc de chansons jésusiennes, pourquoi pas? Des chansons de chrétiens de gauche. Et oui, ça se peut. En tout cas, ça se peut au moins en France. Il y en a ici aussi, il faut le dire. On a entendu Raymond Harvey nous faire Cadence Violence. Raymond Harvey, qui fait partie des Jeunesses ouvrières chrétiennes. Album enregistré en 1974. On a aussi entendu Tu ne veux plus ça, camarade. Et l'Action chrétienne / Action catholique enfant, des enfants, faisait « Nous, on veut vivre bien ». Avouez que c'est la première fois que vous entendez du rap chrétien français. Des pièces provenant de deux albums trouvés sur Variété Underground, un blog que je vous invite à consulter assidûment. « Et ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur les groupes qui ont fait ces pièces-là. Commençons par, tiens, pourquoi pas la Jeunesse ouvrière chrétienne, ceux qui faisaient les deux dernières pièces. C'est une association de jeunes chrétiens du monde entier qui appartient au mouvement de l'Action catholique. Et c'est un mouvement, je disais tantôt, des chrétiens de gauche, à tel point qu'ils ont rejoint la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils luttaient contre le fascisme. Et encore aujourd'hui, l'organisation existe toujours. En France, c'est 10 000 jeunes de 15 à 30 ans qui agissent, notamment dans les quartiers populaires. Ils ont des initiatives d'éducation populaire autonome. Bon, quand même intéressant. Et si je ne m'abuse, ils ont des bureaux aussi dans Saint-Roch. Alors que la pièce extraordinaire, première pièce, « Nous, on veut vivre bien », donc c'était une pièce de l'Action catholique des enfants, organisation qui s'appelait autrefois l'Association des cœurs vaillants et âmes vaillantes de France. Mais c'était trop long, alors... Donc, un mouvement chrétien d'éducation populaire qui s'adresse aux enfants de 6 à 15 ans. Alors voilà, les prêtres s'occupent des enfants comme ça, alors tout le monde est content. Et on va se quitter bientôt. Oh, que oui! Et vu que c'est bientôt la fin, on va se quitter sur des pièces. Les pièces phares de l'émission. Oh, que oui, c'est votre petit bonbon pour avoir écouté tout ce temps-là. Écoutons une pièce de l'IYY, et ne confondez pas avec l'International Workers of the World, le syndicat anarcho-syndicaliste. C'est bel et bien un autre groupe libertaire de Suède ou quelque chose comme ça, de Scandinavie. Et la pièce est écrite en scandinave, donc je comprends pas, mais toujours est-il que c'est marqué The Pro-Anarchy and Anti-Oclarkist Anthem. Alors restez entreprenant et ambitieux comme chanson. Et on va se quitter sur une pièce de Sylvie Vartan, Lorsque l'on est ouvrière. C'était pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Pour réécouter cette émission ainsi que toutes les autres, jeunefou.blogspot.com. À la semaine prochaine ou ailleurs. Ciao. Pink out. I fight for anarchy all of the time. I fight for anarchy all down the line. And I'm anarchist. Sing it. That's right. Just like Coney Island. Il est interdit d'entrer dans les ateliers. Il est interdit d'arrêter de travailler. Il est interdit de parler et de chanter. Il est interdit de lever le nez de la journée. Lorsque l'on est ouvrière, ouvrière, un atelier, le règlement est sévère et l'on doit s'y conformer. Si on était millionnaire, ce serait la liberté. Mais on était ouvrière, ouvrière en atelier. Aucune importance quand on aime, on danse sur un, deux, trois, quatre temps. Aucune importance quand on aime, on danse, danse sur le règlement. Faire des corvées, il est interdit de quitter le défilé, il est interdit de sortir de la chambre, il est interdit de lever quand on est consigné. Lorsque l'on est militaire, militaire dans l'armée, le règlement est sévère et l'on doit le respecter. S'il fallait pas faire la guerre, ça serait la liberté. Mais on est des militaires, militaires dans l'armée. Aucune importance quand on aime, on danse sur un, deux, trois, quatre temps. Quand on aime, on danse, danse sur le règlement. Lorsque l'on est ouvrière, militaire dans l'armée, le règlement est sévère et l'on doit s'y conformer. Et si on était millionnaire, ça serait la vie rêvée. On ne serait pas ouvrière.